comme l'autre qui me demandait tout à l'heure, il disait, j'ai déjà dit que j'aime pas ça aller chez les médecins. Enfin, pas les médecins, les dentistes. C'est pour ça que madame, là, ça fait longtemps qu'elle est là. Parce que je souffre trop, c'est une chaise. Mon corps, mon double est trop sensible, je suis trop sensible, je souffre trop. Fait que j'y vais pas, je garde jusqu'à temps que je n'ai réellement de besoin. Vous autres, vous allez sur une chaise de dentiste, t'es rien là. Mais moi, quand je vois sur une chaise de dentiste, je suis une vraie feluette. Je suis pas capable de souffrir dans mon corps physique, c'est trop dur. Fait que je t'offre, jusqu'à temps qu'elle pourrisse. Un jour, j'aurai peut-être des dentiers. Mais il dit, j'aurai pas de dentier, il m'a fait arranger. Mais il va être obligé de me booster un petit peu. Fait que ça va loin, l'insécurité. C'est évident que si le double fusionne totalement, mais là, t'as plus d'insécurité, mais qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Tu changes de plan, t'es plus ici. Fait que tant que t'es petite, t'as ton système nerveux, tes petits nerfs, ainsi de suite. Ma petite fille, j'ai dit à ma petite fille cette semaine, j'ai dit, ton dentiste, fais-tu mal? Elle a dit, non, papa. Je peux pas me fier à elle. Parce qu'elle avait montré qu'elle est tough. Mais moi, je suis pas tough. Fait que si je finis sa chaise, je vais être en maudit, mais je suis sorti de là. Faut pas me fier. Faut que je me fie à moi-même. Moi, il va y mettre un 50 dans sa poche avant qu'il me mette l'aiguille dans la bouche. Fait qu'il va faire attention. C'est terrible, souffrance physique. Pour moi, vous autres. Non. Y en a-tu que ça ne dérange pas d'aller chez le dentiste, parmi vous autres? Ça vous dérange pas. Chanceux. Savez-vous qu'est-ce que c'est la valeur psychologique de l'aiguille? Les psychologues, ça les intéresse. Qu'est-ce que c'est la valeur psychologique d'une aiguille? C'est intéressant. Une aiguille, ça représente psychologiquement, astralement, ça représente la destruction par rayonnement. Tiens, un rayon. Pfft. Bon, mais l'aiguille, là, c'est la qualité matérielle de cette même forme-là. C'est pour ça que c'est si fort, l'aiguille. Puis ça fait paniquer tellement de monde. Et pourtant, elles sont fines, les aiguilles sont petites. Elles sont bien avancées aussi. Mais l'aiguille, ça a la même vibration qu'un rayon. La forme. Si on regarde regarde un rayon là, astralement, puis regarde une aiguille astralement, puis tu vas voir qu'il y a un grand parallèle entre une aiguille matérielle puis un rayonnement. Puis un rayonnement, ces autres plans, c'est la destruction. Parce que les rayons cherchent. Les rayons, quand ils bombardent, quand ils pénètrent les matières, les transmutent, les détruisent, les changent, les transforment. C'est pour ça que l'homme a si peu d'aiguilles, je ne blâme pas par là. Puis il y en a qui ont. Ils ont plus peur que d'autres, puis moi, je suis plus peureux des hommes. Mais la différence entre moi et vous autres, c'est que vous autres, vous avez peur d'aiguilles. Vous n'avez pas peur d'aiguilles, mais vous avez peur de votre double. Tandis que moi, j'ai pas peur de mon double, puis j'ai peur d'aiguilles. J'aime mieux avoir peur d'aiguilles. Ouais, bien, quand tu es fusionné, il t'a fait porter où il veut. Vous autres, vous êtes capables de vous auto-suggérer et auto-suggestionner. Moi, je suis pas capable. Si vu que je sente l'aiguille, m'a senti, ça change mes vibrations. Tout sert. Fait que là, je vous l'ai dit au début de la conférence ce soir, l'insécurité sert toujours le double. Tout le temps. Il s'en sert, à tous les niveaux. Même au niveau matériel. Moi, j'en ai cancelé des emboîtements. Ah! J'ai cancer tout le temps. Ça fait 3 ans que je vais y aller. Cancer, j'ai cancer. Des fois, je dis à ma femme, mais fais-moi-en un, là. Dis-moi le pas. Dis-moi le pas d'avance, trop.